Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. pour suivre ses regards. Is rich and your bar is beautiful. débat. Da, da. Thank you. Wesen der Beschreibung. Dansons. Devant l'évidence de la catastrophe. Dansons au pied du volcan, nous le savons, dansons sur le volcan. Catastrophe, il y a ceux qui s'indignent, il y a ceux qui prennent un. Et il y a ceux qui s'organisent. Cherry Music, en Pidjan Séché. Debout quand même. Where do we start? Where do we begin?